Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Grenoble, Sinan Imré. Bonjour, bonjour Sofiane. Bonjour Sinan, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien. Ça va très bien parce qu'on sort d'une super scène. On sort d'une scène de folie et ça fait vraiment du bien. Parce que là on est à Villard-de-Lans. On est au Villard-de-Lans pour le Villard Comedy Show. C'est ça, et on sort donc de ce festival organisé par Michael Biège, par Michael qu'on profite Biège, pour saluer, ouais. Qui était dans l'épisode précédent. Voilà, on en profite pour le saluer. Avec des belles anecdotes. Ah, des belles anecdotes, oui. On embrasse les Corses. Et toute la famille de Mickaël. Voilà. Tout le monde. Comme ça, au moins, on évite les problèmes. Et donc, ce soir, super public et tout. Et je voulais en profiter pour le fait de te revoir maintenant. Je voulais en profiter pour enregistrer les quelques anecdotes que tu as vécues. Parce que tu n'as pas beaucoup de scènes derrière toi, mais tu as déjà des anecdotes. Ah, et c'est ça qui est beau. J'ai 9 scènes et pas mal d'anecdotes. J'ai 9 scènes et 18 anecdotes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'inquiète pas, parce que c'est ça l'avantage des galères d'humoriste. Il n'y a pas besoin d'être un grand humoriste pour avoir de grandes galères, tu vois. Ça, j'ai bien compris. C'est ça. Et je te rassure, je parle, mais je suis le premier à en avoir eu aussi, hein, t'inquiète pas. Voilà, donc raconte-nous un petit peu tout ça. Ah, écoute, ma première scène, il y a un peu plus d'un an, j'écrivais pour Mickaël Biège, on bossait ensemble. Puis un jour, il me dit, bon, t'es chiant à écrire des vannes pour les autres, monte sur scène. Je dis ok, et j'étais plein de confiance. Bah, tu commences à me connaître, j'ai de la répartie, j'aime bien aller chercher. Je me suis dit, hey, on va se faire un style un peu tranquille, je vais écrire 2-3 trucs et tout le reste, je ferai un impro, je discuterai avec les gens. Je me retrouve à faire un petit morceau lors d'un spectacle de Mika, et je prends le parti pris d'aller discuter avec le public. Du crowd work. Ouais, c'est ça, tu vois, d'aller voir avec eux et tout, et je les faisais réagir sur les trucs qui te mettent mal à l'aise en public. Et donc, à un moment donné, je vais voir une dame et je dis « Madame, qu'est-ce que vous pensez des gens qui sentent un peu mauvais de la bouche, tu vois ? Comment est-ce que vous faites pour gérer ça ?» Je me dis « C'est rigolo comme sujet. » Elle me dit « Ah, vous voulez dire les gens comme vous ?» Oh là là là là là. Et moi, première scène, tu vois, donc je m'attendais pas à, répartie, ouais. À ça. Ben non, moi j'ai la répartie dans la vraie vie, mais sur scène, j'ai 20 QI, tu vois, j'arrive pas, quoi. Je m'en sortais pas. Et vraiment, elle m'a dézingué. Elle s'est dit, je vais me taper un mec. Et je vais, en fait. Ouais, et je m'en sortais pas. Et je ramais, et j'essayais, tu vois, de reprendre le dessus, de faire le bonhomme. Et boum, elle me recassait et tout. Elle me disait, elle arrêtait pas. Elle me dit, alors, et vous avez une maladie, vous sentez pas bon de la bouche et tout. Oh là. Je m'en sortais pas. Et tu sais, tu dis, ok, bah voilà, c'est mort, c'est fini, j'arrivais rien à faire. Et ça, c'est ma toute première scène. Juste, cette dame, elle est toujours en vie ou pas ? Écoute, je sais pas. Voilà, moi, j'ai mis un contrat sur sa tête. Voilà, mon avocat m'a demandé de pas parler du reste. Voilà. Bon, alors, ok, ça restera entre vous. Voilà, après, je suis turc, voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est marrant, le goût du kebab de ce soir était bizarre. Ouais, c'est un mélange, c'est hybride. C'est normal que j'ai retrouvé une gourmette dedans ? Voilà, Ok, bon, mais très bien, ça restera entre toi et ton avocat. Bon, c'est ça. Donc, tu avais d'autres anecdotes. Ouais, quelques temps plus tard, je remonte sur scène, je fais pas mal de scènes, je commence à prendre un peu d'aisance, tu vois. Et je me retrouve un soir sur une scène ouverte à la basse-cour, grosse ambiance, public super, le feu, tu vois. Et pour une des premières fois, je jouais vraiment dans une salle noire, plongée dans le noir. Donc, je voyais personne, et ça m'a vachement aidé à me libérer, à me lâcher. Je voyais personne à part un mec. Au premier rang, tout à droite, 70 ans... Ouais. Et lui, il était venu voir une scène ouverte d'humoriste, mais pas de stand-upper, quoi. D'accord. Et il était assis, les deux mains sur les cuisses, et il n'a pas ri une seule fois. Donc le seul mec que tu vois dans le public. C'est ça, c'est le seul mec que je vois. J'entendais que ça rigolait, que ça marchait correctement, ouais. Tu vois. Mais c'est celui qui fait. Et voilà, et lui me regardait droit dans les yeux, il bougeait pas, rien, pas un rictus, rien. Et c'est con, parce qu'au lieu de me focaliser sur tous ceux qui rigolaient pour que ça se passait bien, ben voilà, j'avais ce mec-là dans mon champ de vision, j'arrêtais pas de le regarder. Je me disais, le regarde pas, je voyais que lui. Et il rigolait pas, elle a pas rigolé une seule fois. On a tendance tous, hein, moi le premier, on a tendance à se concentrer sur les gens qui rigolent pas. Tu vois, moi le premier, quand je arrive dans une salle, je vois tout le monde qui rigole, et j'en vois un qui rigole pas, je vais tout le temps checker vers lui, tu vois. C'est-à-dire que je vais balancer une vanne, tout le monde va rigoler, et je vais me retourner vers lui, genre, est-ce que lui a validé, tu vois. Ouais, non, mais... Et c'est idiot, parce qu'on devrait se concentrer sur les 99%. Ouais, puis t'as vu, si ça a pas marché les 3 premières minutes, il y a peu de chances que d'un coup il se mette à éclater de rire, quoi. Ouais, ouais. Enfin, lui, c'était mort, tu vois. Mais... Je pense qu'on voit ça comme un challenge. Bah, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à le débrider, tu vois ? Ouais, comme un challenge, c'est personnel, tu vois. Tu dis, bah, mec, pourquoi tu rigoles pas ? Ouais, ouais. Et attention, voilà. Ça, on le sait, tous les humoristes le savent. Il y a des gens qui ont le rire très discret. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui vont te dire, moi, je ris intérieurement. Ouais. Ne prends pas ça mal, tu vois, voilà. Et en effet, pendant tout le spectacle, ils vont pas rire. Et après, à la fin, tu vas le voir et tout. Et, ou c'est lui qui vient te voir et il te dit, j'ai adoré. C'était génial. Vous n'avez pas vu me voir. Non, là, lui, non. Non, intérieurement... Là, lui, il riait pas, ni intérieurement, ni extérieurement. Non, clairement, non, il riait pas. Mais c'est comme ça, et ça fait partie des règles du jeu aussi. Écoute, hein, c'est ça, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, non, c'est ça. Je sais plus qui c'est qui disait plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais, mais lui, c'était un connard, je suis sûr. Ok, bah écoute, tu avais une autre anecdote? Ouais, une dernière anecdote, c'est un grand classique, parce que j'écoute beaucoup ton podcast et c'est un grand classique. Tu sais, c'est ce moment où tu te dis, ouais, mais je vais faire une scène en extérieur, je vais faire un plein air, pendant que les gens mangent. L'exercice suprême. Que les gens boivent des coups. Alors toi, en fait, t'as fait le doublé. C'est-à-dire que ça. Jouer devant des gens qui mangent. Et qui déjà, commandent à manger. Très mauvaise idée. Ouais. Enfin, très mauvaise idée, on l'a fait et on continuera à le faire. Malheureusement. Très mauvais, comment dire, c'est pas la bonne combinaison. Mais toi en plus, t'as fait le doublé avec le plein air. Oui, mais le plein air, alors c'était en été et c'était à 20h, donc il faisait jour. Ouais. Il y a un grand boulevard à côté avec des trams qui passaient et c'est sur la route de l'hôpital. Donc à peu près toutes les 3 minutes dans la soirée, il y avait une ambulance qui passait, le SAMU, les flics, c'était une catastrophe. Et tu vois, c'est là où tu te dis, je suis meilleur que les autres, un peu prétentieux. J'ai entendu beaucoup de gens dire, ah, le plein air, c'est chaud et tout. Tu dis, ouais, mais ça va, moi, je vais y arriver. Bah non, je vais pas y arriver non, du c'est tout. Ça, c'est ça. Et j'avais peut-être 5 personnes qui me regardaient, qui rigolaient et tout. Tu dis, il faut que je le fasse pour ces 5 personnes. On était annoncés, mais qu'à moitié, mais c'était... Enfin, tu vois, c'était une super initiative de la part des organisateurs et tout, c'était génial. Mais juste, c'est trop dur. C'était trop dur. Et en vrai, mon passage, il faisait 10 minutes. Je crois que j'ai fait 5 minutes. Et toutes les phrases, bon alors ça je l'enlève. De toute façon ils ont pas eu la première fois, donc la deuxième fois ils l'auront pas. Et comme tous les gens que j'entends dire dans le podcast, il faut passer par là pour savoir ce que c'est des conditions pas top. C'est ça. Et même si je suis le premier à dire les conditions ça fait pas tout et tout, ouais, bah tu vois là quand même, tu mets pas, ça t'aide pas quoi. Voilà, c'est ça. Non mais on a besoin de jouer dans des conditions galères pour apprécier les bonnes conditions. Exactement. Là, ce soir le festival, on avait une salle pleine. Ouais. Ils ont blindé jusqu'au bout. Ils ont même supprimé les chaises des bénévoles pour faire entrer du public. Même donc, la régie était debout. C'était voilà, mais c'est ça. On était vraiment, je veux dire, à salle full, ouais. Quoi. Vraiment la coupole donc à Villard-de-Lans et donc on avait une salle pleine, ambiance magnifique, des musiciens sur scène. On avait vraiment un public réactif comme pas possible. Donc là, tu vois, c'est les deux extrêmes. Ouais, quoi. C'est ça. C'est les deux extrêmes. Mais il faut passer par les deux. Ben, c'est ça. Parce que si t'as que des bonnes scènes, tu te rendras pas compte du travail que ça demande. Ouais, puis et si t'as jamais que de des mauvaises galère, scènes, et quand t'as que des mauvaises scènes, bah tu veux mourir en ouais, général. Non, tu vois, voilà. Donc là, faut avoir les deux. Faut avoir un peu de bonnes scènes, un peu de mauvaises scènes. Mais moi, je suis sur un, tu vois, je fais 1/2. 1/2. Donc là, ça fait chier parce que ce soir, ça a bien marché. Donc la prochaine, voilà, je sais pas quand c'est, mais ça va être dur. Je sais que ça va être dur. Du coup, on jouera pas ensemble. Hein. Non, on va attendre une fois là. Voilà. Une fois je jouerai la prochaine. Préviens-moi quand tu joues et on jouera pour l'autre après. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai envie de te dire, je te souhaite d'avoir encore plein de scènes et plein de galères au final, parce que voilà, on en aura. Je reviendrai tous pour encore. La prochaine saison. Bah, bien sûr, t'inquiète pas, avec grand plaisir. Hein, t'auras sûrement du nouveau matériel et moi aussi, parce que bien évidemment, les galères, on n'en est pas, on n'est jamais protégé, quoi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Au Pôle emploi. Ah oui, à la sortie de la crèche. De préférence, oui. Et voilà, bah pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai mon compte Instagram, c'est Sinan, S-I-N-A-N, 2-du-bas, 2_, Imre, I-M-R-E. Donc d'accord. S-I-N-A-N, 2-du-bas, I-M-R-E. Et puis, normalement, à la rentrée sur YouTube avec un nouveau projet. Yes. Donc, je t'en reparlerai. On suivra ça. La chaîne s'appelle Sinan. La chaîne Imre s'appelle Sinan Imre, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. Mais voilà, ça sera sur d'accord, cette chaîne-là. D'accord, mais ce sera là-dessus. Bah, écoute, on verra bien. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Sinan Imre donc, pour ses prochaines scènes. Peut-être que vous ferez partie de ses prochaines galères. Voilà. Ouais. Hein vous aurez la chance. Ou de ses prochaines réussites. Voilà. Parce que, bien évidemment, les deux font partie du métier d'humoriste. Mais n'oubliez pas que je suis turc. Voilà. Donc, venez et... Il offre le kebab à la fin. Exactement, c'est voilà, ça. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, je suis ravi de te revoir. Voilà. pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas. Au revoir.